Nationales. Tu dois des sous, gros, c'est comme on donne les papiers. Les comptes dont tu as la fulgateur va crier. Au quartier, je suis détendu, je recompte le papier. Quand je suis refait, je danse la rumba, je compte mes papiers. Papier, papier. Papier, papier. Papier, papier. Papier, papier. Frère, après ton sou, je dois viser dans le quatrième. J'ai caché mon teuse, placard à gaz du troisième. Elle voulait moi que je l'ai fait monter au septième. Vers de Sky, j'en suis déjà mon deuxième. Marek Dimé a épousé la fontaine du cinquième. Y'a des Brésiliennes, des Cubaines qui tapent une neuvième. Tous les rapis sont des Yannes qui vlent la bac en fond de sixième. Bénédiction, madame qui a quitté, attend son huitième. Toi, prends du papier, faut que j'esquive la mer. Gang doit scintiller sur la vie de ma mère. Pour prendre du papier, faut que j'esquive la mer. Dans son écadrille. Tu dois des sous, gros, c'est comme on donne les papiers. Les comptes détournent, tu as la fulgateur va crier. Au quartier, je suis descendu, je recompte le papier. Quand je suis repêche dans sa rumba, je compte mes papiers. Papier, papier. Papier, papier. À la Paname, vite Yakuza. Pourtant, les sens, c'est un bâtard. Ils veulent le reprendre le pouvoir. Non, jure, billets violet, trop de danger, trop de loujas. Mais il fait tout noir dans la tête. Billets sont bleus dans la veste. La sono à fond dans la caisse, j'en calibré. Quand elle vous prend de la caisse, je le fais pour le maquilla. Les condés m'ont rendu matinal. Si j'allume le feu, bah qu'on kima. Enfin, les meufs, ils jouent les killers. J'dois prendre du papier, faut que j'esquive la mer. Le gang doit scintiller sur la vie de ma mère. J'dois prendre du papier, faut que j'esquive la mer. La zone est quadrillée. Tu dois des sous, gros, c'est comme on donne les papiers. Les comptes détournent, tu as la fulgateur va crier. Au quartier, j'suis descendu.